Jolie, non ma mini, bouchi, capri, moussi, arrache. Slide, whipping, Rolex, dripping, j'crois que j'ai bu un peu trop tennis. Si j'ai mon calibre et j'te shoot comme au tennis. Si j'ai trop d'inspi, j'ferai jamais comme les autres. Tu sais qu'on te boxe, tu remues beaucoup ton coccyx. Les produits sont toxiques, j'vis sers à proximité. C'est putain funk nous y mixer. 9, 9, 7, 4, y'a que des gens bizarres chez moi. J'lui demande c'est quoi son âge. Avant qu'elle me suive, j'lui demande son âge. Ça parle contrat, pourcentage. J'aurais dû écouter en maths. J'suis juste un lion sous sorti de la cage. Nous on t'es pas prêt de tourner la page. Il me fait des lovés, j'étais bon dans l'appart. J'suis dans l'appart, personne veut lover. Moi comme Gaki, je n'ai que des OV. En fitness, j'lui mets. Pour ça qu'elle fait du fitness. Le lin, RD. Pas des Ristoff, pas des Guinness. Lionzon, pétasse, Lynn, capin, pétard. Mes honnêtes confinées, verse le sirop, le comprimé. Son cancan qui s'y met, j'tire les pénaux, les s'y mettre. Le filtré qui s'émiette, home, made et fait le miel. Hola hola, sconfinato io resto in zona. Sposto coca qui non è Roma, scappi qui non fare il sosa. Essere noi non ti funziona, essere voi preferisco il corona. Questa italiana fra non è spagnola, io sono giallo e così che funziona. Elles étaient ici, je ne faire têter Saturne. Je roule en belle voiture, mais je prends pas de satin. Ça vient faire l'air cul, puis ça parle en latin. Cache-cache dans ma tête, du cache, c'est ça que j'apprécie. Bâtard fait signe quand tu prends ton selfie. Sauf la frappe sous vide, celle qui arrive sous vide. Celle qui arrive sous vide. Je roule un père qui tue 6-9, c'est le rond sur le matricule. Fils de, vas-y articule, c'est, t'as rien de particulier. Tiens, fais-moi la pince qui tue, à Lyon ça brûle, t'as la canicule. Les putains, putain de putes sont tous partis se faire enculer. Ta petite messieurs pour ma technique, confine ta fille, tu veux pas de mélange ethnique. Ma team elle est forte et ta graisse, comme ta gage je demande pas maîtresse. J'ai ta gars des clubs, serait pinch, j'ai envie de love dans game, je qui tombe en panne. Nos sportifs font toujours drink et t'es choqué à chaque fois que tu cliques sur link.